Et Tobago, l'histoire d'un bonhomme de son vrai nom, le Dr. Winston McGarland Bailey, plus connu sous le nom de Shadow, pas DJ Shadow s'il vous plaît, un Shadow, ou, mais c'est les gens qui l'ont appelé comme ça, Mighty Shadow, donc l'impressionnant Shadow, c'est pas lui qui a mis Mighty avant, qui a vécu un peu 36 000 vies, notamment homeless, SDF, quand il était ado, et puis après il s'est mis à faire de la musique, et je sais pas, je trouve qu'il y a un côté, alors après on le connaît dans le soca généralement, donc comme genre musical, mais je trouve qu'il y a un côté vraiment expérimental et assez étonnant dans la production de ce morceau de 84, Let's Get It Together. J'ai cité un nom de danse, le soca. Ça tombe bien, puisque je crois qu'on part du côté de l'agence Tourisme, Malo Williams. Tout à fait. Et t'as cité un artiste dont le nom était Bailey. Ah, George, enfin, pas George Bailey, McGarland Bailey. Oui, mais alors ça s'écrit pas pareil, hein, le nom de famille. Et oui, parce qu'effectivement, l'agence Tourisme, c'est tous les soirs de cette semaine avec Marie Misset et Malo Williams qui vont à la découverte de rythmes que vous connaissez, vous avez entendu parler, mais vous les connaissez pas aussi bien que ce que, qui va être le cas d'ici quelques secondes. Et donc là, on parle de Bailey Funk. L'agence Tourisme! Recensement des rythmes. Entrez, je vous en prie. Votre nom, s'il vous plaît. Faz um sinal da vida louca. Baile funk, vous l'écrivez B-A-I-L-E, plus loin, bah funk, comme le funk, j'imagine. Votre date de naissance. Eu estava lá no baile quando eu encontrei uma. Bon, je marque les années 80. Et vous êtes né où ? Rio, donc c'est Rio au Brésil. Très bien. Du coup, votre père, c'était qui ? La Miami Bass. Et votre mère ? La funk. Oui, bah c'est logique, c'est dans votre nom. Et vous habitez où aujourd'hui à l'heure actuelle ? Ah, vous avez un peu migré à Sao Paulo, la capitale économique, très bien. Puis vous restez à Rio. Très bien, Baile Funk, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante do Golf Zapão. Agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disco. Enrola o cabo de uma bandite. Já tá o Paco de ser embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. E fala. Nós tá suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. DJ. Alors c'était quoi le morceau de Baile Funk, Malo ? C'était le fameux MC Bin Laden. Et le bon nom, lui. Avec Ta tranquilo, ta favorable. Ta tranquilo, ta favorable. En gros, on est tranquille, on est posé. Bon, ben alors, mais c'est très bien parce qu'on soit tranquille et posé, parce que le morceau après la pub, je sais pas si elle sera tranquille et posée la pub, mais derrière ça va être très très calme. Je vous préviens tout de suite. C'est un énorme hit, mais c'est très très calme. C'est une demoiselle née en 1964 à Cleveland qui, dès l'âge de 3 ans, joue du ukulélé. Puis à 8 ans, elle joue de la guitare, elle écrit plein de chansons. Elle va à Boston, elle fait des études d'anthropologie et puis elle court les bars pour faire des petits concerts. Elle devient une icône folk à Boston. À la fin des années 80, et puis il y a un ANR, comme on dit, d'une maison de disques Elektra en l'occurrence, qui va un soir dans un bar comme ça de Boston et qui tombe sur elle avec sa guitare et qui se dit oulala, mais quel talent! Et il l'a signé. Et qui sait, vous le saurez après 2 minutes de pub, et bim! Le Nova Club. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les photos de Cyril qui changent. Avec le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Waouh, double capteur photo ? Et avec cet effet flou intégré, on ne pourra plus jamais dire que tes photos sont ratées. Jusqu'à samedi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€ et vos photos changent. Auchan. Don éco-participation 2 centimes, kit main libre recommandé, DAS 0,75 watts par kilo. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui aiment la planète, mais aussi le cachemire. On offre 100€ sur le lave-linge Samsung 7 kg, ultra économe et efficace à basse température, soit 399€. Pour faire les bons gestes au bon prix. Conforama, jusqu'au 28 janvier, conditions en magasin et sur conforama.fr. Picard. La galette des rois qui sort juste du four. La pâte feuilletée pur beurre qui croustille. La frangipane amande qui fond en bouche. Et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année, je compte bien être couronné. En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galette des rois frangipane pour 6 personnes à seulement 5,95€, soit 9,91€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus jusqu'au 15 janvier. Libre en fou, staff le loup. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Bon bah. On est dans les choux, c'est ça ? Dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 1,19€ la pièce. Non. Ah si patron, 1,19€ la pièce. Et origine France en plus hein. Ah, le chauffeur à ce prix là patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rien. Les soucis c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Oh, pardon patron, mais 1,19€, on est mal. T'as arrêté. Ah oui, mais là on est très mal hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Le Nova Club. Nova. Non, je te jure, Malo, un chou-fleur à 1,19€, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Moi, je suis pas d'accord. Ah bon ? Débat, mais hors antenne. Tracy Chapman pour vous. Ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us. And your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. He loves me.